Chapitre 16e du plâtre dans l'aquarium. Dès le lendemain matin, coup de bigophone de Berthoud. Je sens sa voix tendue et légèrement alarmée. Carbonas s'est encore pointé dans le secteur, commissaire, toujours déguisé en facteur. Ça ne m'étonnerait pas qu'il essaie de passer à l'action. Bon, ne t'affole pas. J'arrive chez le tonton avec l'Antoine pour dresser un plan d'opération en cas de coup dur. Nouveau coup de fil. Cette fois, c'est quelqu'un qui désire me parler personnellement, me dit gargant. « Allô, Volpi, c'est toi ?» Je reconnais Costanza. La voix est dure et l'accent italien ressort. « Pronto, si !» fais-je d'un ton badin. « Espèce de pourri. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, c'est moi qui te le dis. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, fumier. Je te garantis que tu vas regretter ce que tu viens de faire. »« Attends, grande salope, c'est toi qui as attaqué le premier ? Tu me fais un enfant dans le dos en envoyant les photos propres et aux journaux ? En plus, tu m'as menti sur le casse de mon appart. T'es pas un mec réglo, Costanza. T'es une fiotte, voilà. Et t'as intérêt à bien te planquer, parce que si on te met la main dessus, avec l'ardoise que t'as, cette fois, il sera pas blanc, ton casier. » Le claquement sec que j'entends m'indique que le Rita l'a raccroché avec vigueur et fureur. Il fallait bien qu'on en arrive là, à un moment donné. Car il n'était pas question de continuer à frayer avec un chapac en pareil. En tout cas, je ne suis pas mécontent de m'être sorti les fesses propres de ce coup-là, même si ma conscience prend des chemins de traverse. Ce n'est pas si évident, lecteur, reconnais-le. Bon, en attendant, je vais aller faire un tour à Martigues pour veiller au grain et après nous aviserons. Comme à son habitude, tonton Séraphin nous reçoit avec cordialité et chaleur. En un tour de main, pastis, cacahuètes et olives sont sur la table. Seuls les glaçons se font attendre. « Allez, » fait-il. Ça ne nous empêche pas de boire frais. Pas vrai, Gary ? À la santé du Porthos. Où il est, celui-là, au fait ? Je lui demande. T'inquiète, me répond Tonton, en faisant claquer sa langue sur le palais. Nous commençons à converser de tout et de rien, du prix de l'essence, des élections et de tout le toutim. Tonton nous montre sa pêche de la veille dans le frigo. Ça vous dirait pas un beau loup, chacun ? Je l'ai fait en vitesse au grill. L'Antoine s'essuie le menton. Rien qu'à penser à la peau des loups zébrés de brun et légèrement craquante, il salive à mort le sagouin. Un filet d'huile d'olive là-dessus, avec un jus de citron. « Oh, Gargan, viens avec nous !»« Non, tonton, t'es bien gentil, mais on a une foultitude de trucs à faire. »« On va faire le tour du pâté de maison pour voir si... » Un coup de tonnerre me ferme le clapet. Les gonds volent en éclats et la porte est violemment plaquée contre le chambranle. Face à nous, un balèze, muni d'un calibre grand comme ça, nous braque un foulard sur le pif. Je lis dans ses yeux une légère inquiétude de nous trouver là, alors qu'il devait s'attendre à la seule présence du tonton. Comme une girouette partant du mistral, il pointe alternativement son flingue sur l'Antoine et sur moi. « Oui, la putain ! Amenez-moi le Porthos, c'est vite fait !» Se disant, il avance d'un pas dans la pièce. « Il n'est pas ici, ton Porthos. Tu peux le chercher si tu veux. » répond calmement Séraphin. « Et si je te bute, tu crois pas que ça va le faire sortir plus vite ? Bouge pas, toi !» lance-t-il à mon encontre. Profitant de ce qu'il me regarde, je jette un coup d'œil appuyé sur l'entrée de l'appart et fais discrètement le signe d'entrer dans la pièce. Carbona, car c'est lui qui a saisi mon geste, se retourne d'un bloc prêt à faire feu. Ça me suffit à sortir mon pétard et à Gargan, rugbyman confirmé, d'effectuer un magistral plongeon sur le truand, le plaquant violemment au sol, lui faisant claquer la tête sur les tomettes. Gargan lui en serre la main qui tient le flingue, mais l'autre résiste assez bien et se met à arroser la part dans un bruit pas possible. La télé, le lampadaire, l'aquarium du tonton n'y résiste pas. « En face des connes !» fait le tonton hors de lui. Et dans sa rage, au péril de sa vie, il se rue sur Carbona et lui piétine furieusement la main. « Ah, il n'y va pas de pied mort, le tonton !» C'est que, bien qu'approchant la septantaine, il a encore de la force, après avoir tordu des tuyaux toute sa vie. L'arme écartée, Gargan échauffé par le bruit, commence une longue série de tartes à main plate, de la gauche, de la droite, bien en rythme, le cul sur l'estomac du Gus, qu'il prend soin d'écraser proprement en sautant à chaque claque, coupant ainsi le souffle de son client. Alors, paf, tu vas nous dire, paf, pour qui, paf, tu travailles, paf, sinon, paf, je peux, paf, continuer pendant, paf, des heures. Pas une goutte de sang, mais disons que Carbona a pris des joues et des couleurs en l'espace de quelques secondes. Ses larmes prouvent que ça lui fait aussi de la peine. Arrivant à entr'ouvrir ses lèvres, il murmure, hors d'haleine. « Putain, ma main, ma tête !»« Je t'ai posé une question, répète Gargan en brandissant sa large main ouverte. Non, non, arrêtez, c'est Meyer. Et c'est qui ce Meyer? Parle. Nouveau saut sur la poitrine. Ouf, c'est un antiquaire. Où il crèche cet antiquaire? Ouf, rue Paradis. Les merveilles d'Odan. Non, fais-je, ça doit être les merveilles d'Antan. Allez, l'Antoine, assois-le puisqu'il a décidé de parler. Gargan le tire si violemment par le col de sa vareuse que l'autre se retrouve assis par terre comme un pantin. Il frotte sa main en compote, massacré par le talon du tonton. « Putain, vous m'avez niqué la main, connard !» Séraphin n'apprécie pas du tout l'épithète. « Comment tu m'as appelé, là, gueule de raie ?»« Bon, laisse tomber, tonton. Dis-moi, Caruana, qu'est-ce que tu fais exactement pour Meyer ?»« Je l'amène la cam et je veille au grain, si des fois il y en avait qui cherchaient des engats. » Ah, et lui, Meyer, qu'est-ce qu'il fait ? Nouvelle hésitation de Carbona, vite stoppée par un secouage maison. Eh ben, c'est lui qui nous dit où aller chercher la coke, et puis il s'occupe de la livraison à des gros clients, dans son magasin ou quand il y a des salons d'antiquaires. Ah oui ? Explique un peu. Et il planque la cam dans des potiches, des meubles, des tableaux, des statues, enfin un peu toutes les vieilles estrasses qu'il a dans son bordel. Lui, il sert les gros revendeurs ou les clients qui ont du fric, qui font leur provision pour le mois. C'est Meyer qui t'a demandé de liquider les deux pescadous avec ton copain Zaouya ? Pas de réponse et je crois comprendre pourquoi. Alors je lance innocemment un gros mensonge. Zaouya est mort d'un accident de moto, alors c'est pas la peine que tu te fatigues à le couvrir. Alors c'était Meyer le donneur d'ordre pour Stopoulos et Panakis ? Eh ouais, il commence à être un peu trop accro à la dope et tôt ou tard, ils auraient fait une connerie. Si vous les aviez chopés, ils auraient parlé tout de suite, alors il valait mieux les liquider. Ils étaient tellement pétés qu'ils se sont rendus compte de rien. Fait-il avec un sourire dans sa face gonflée lunaire. Ah, ça te fait rire, fumier. Non, mais des fois, il y en a, faut leur courir après, ils crient, ils chialent. C'est pas facile de faire son boulot, tandis que là, on se marrait avec eux. Ouais, bon, fait Gargan. T'as pas de remords, des fois. Bah non, je fais ce que me demande. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une réinsertion est possible pour des furieux de cette espèce qui ne connaissent ni Dieu ni diable? Tu es une tâche comme une autre, et pour eux les hommes ne sont ni plus ni moins que des animaux de boucherie. Je sais, on va me dire, l'enfance difficile, le manque d'éducation morale et civique, le besoin de survivre et tout le bataclan. N'empêche que si tous les gars qui sont nés dans la rue devenaient des tueurs, on résoudrait et la crise du logement et le chômage. Et les jobards, qu'est-ce que vous en faites, hein? Le carbonat est un spécimen de toute beauté. Bon, mais assez disserté. Et de Souza, dans tout ça? Tonton, où il est le Portos? Mais il n'est pas chez moi, Fada. Il est chez Da Silva, le voisin d'en face. Comme ça paye de Souza, il a accepté de le cacher. L'autre était tout content de pouvoir parler le portugais. Le même fait du bacalao, des bulots à la sauce tomate et tout. Je me demande si de Souza va vouloir partir. Écoute. Il est tout aussi bien là qu'ailleurs pour l'instant. Mais continue à lui mettre la pression. Dis-lui qu'un autre tueur est venu pour lui régler son compte. Manquerait plus que, morue ou pas, il se carapate. Bon, Gino, comment je fais moi avec ma télé, mon aquarium et mon lampadaire? On va voir ce qu'on peut faire avec les assurances. Je suis désolé, tonton. Puis une borgne, toi tu pourras dire que j'en aurais fait des choses pour toi. Après avoir embarqué Carbona, correctement menotté, nous retournons au central. Sirène et gyrophare en action. Voilà de la viande fraîche, les enfants. Prenez sa déposition et transférez-le au dépôt. Il nous a permis de loger le meilleur en question. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Fait Berthaud Goguenard en voyant la tranche de Carbona. Il a dû manger des fraises et il nous fait un œdème de quinque, le pauvre. Devant Carbona, je leur explique ce qu'il m'a dit afin qu'il n'aille pas raconter n'importe quoi, voire se rétracter. Selon la méthode maison, je le secoue comme pour en faire tomber les dernières figues. Tu leur dis bien tout, hein? Si tu en oublies, je fais en sorte que Meyer pense à toi, très fort. Puis, comprenant qu'il vaut mieux pour lui qu'il s'allonge, Carbona nous explique de façon précise la manière dont les choses se passaient. En pleine nuit, un voilier de taille moyenne, pourvu de tout le matériel permettant de naviguer aussi bien de jour que de nuit, venait mettre en panne au-dessus de la balise après l'avoir repéré par Gogno. Les jours de la livraison n'étaient jamais fixes pour éviter la traque. Un plongeur se coulait le long de la coque et arrimait la livraison au corps mort. Les quantités n'étaient pas énormes pour éviter de fortes pertes en cas de pépins. Puis le voilier reprenait sa route vers l'est, tout feu éteint. Vers 5 heures du matin, la belle Caille, de retour de Somaty, reparait à son tour la balise par radio et récupérait la livraison en la planquant dans les casiers. Rinaldi fut surpris à bord de la belle Caille en pleine nuit. Étouffé, puis transporté au large de Sainte-Croix, il fut affublé d'une tenue de plongeur. Les deux Grecs le mirent à l'eau doucement, comme un bateau en papier, et pensèrent qu'on allait croire un accident de baignade. Première colère noire de Costanza, puis du grand patron. Ces derniers temps, tout avait été perturbé par les copains de Sanchez, qui, le hasard est ainsi fait, plongea à 100 mètres de mètres du corps mort. Impossible de le déplacer. Aussi, les pêcheurs avaient surveillé les plongeurs en sortant en même temps qu'eux, jusqu'au jour où le corps mort et la balise furent découverts. L'arrêt de mort des plongeurs était signé. Plus de bateaux, plus de témoins. Ces abrutis de Grecs, allumés par la coque, n'avaient pas prévu que les corps ne couleraient pas, et s'étaient portés vers le rivage. Costanza en avait fait une deuxième attaque, et s'était fait méchamment remonter les bretelles par le patron. La bande décida de sacrifier la dernière livraison en se faisant oublier. C'était compté sans mon entêtement. Tout ceci confirme les hypothèses que nous avions élaborées sur l'affaire. Bon, je vais aller maintenant faire un tour au paradis, aux merveilles d'antan. Auparavant, je farfouille dans le bordel de mon armoire. Il n'est pas question que je me pointe dans le magasin avec ma gueule enfarinée. Ça m'est rarement arrivé de me déguiser, mais en la circonstance, ça s'impose. Après plusieurs essais, je finis par opter pour un large chapeau de toile, mes lunettes noires de vue, que je mets rarement, une sacoche en bandoulière et un appareil photo. Je sais, j'ai l'air cucu comme vous vous en doutez, mais c'est justement ce que je cherche. Avant de descendre, je m'arrête dans le bureau du fond où je recrute pour me seconder Mademoiselle Lombardini, qui parle italien aussi bien que moi. Son allure de femme mûre de bonne famille fera parfaitement l'affaire. Allez, Lombardini, je vous recrute pour une mission spéciale. Vous êtes ma femme et nous sommes tous les deux des touristes italiens. Mais ça va pas, non? Mais vous êtes complètement dérangé, commissaire. Et puis qu'est-ce que c'est que cette strass que vous avez sur la tête? Ne discutez pas, Lombardini, fais-je en lui décrochant son sac du porte-manteau. Allez-vous, je vais vous expliquer, il n'y a pas de danger, ne vous inquiétez pas. Pas la peine de chercher une place dans la rue Paradis. Le magasin se situe après le cours Pierre Puget. Je garde donc ma bagnole sur le trottoir, devant la préfecture. Surgés de nulle part, deux gardiens nous tombent dessus comme la vérole sur le bas clergé. L'un d'eux m'empêche même de descendre du véhicule. « Dégagez! Vous ne pouvez pas vous garer là! Allez, du balai !» Il faut dire qu'avec la dégaine que nous avons avec ma subordonnée, on doit nous prendre pour des oiseaux complets. Il faut que j'exhibe ma carte de police, celle de ma collègue, que j'enlève mon chapeau, mes lunettes, pour qu'enfin une discussion puisse s'instaurer. Je leur explique que je vais planquer non loin de là et que nous n'en avons pas pour longtemps. Finalement, la voiture reste sous leur surveillance et nous nous dirigeons enfin vers les merveilles d'antan. Devanture façon art déco, car ils ont quitté un tinabule discrètement, tout annonce la maison de renom qui ne se fout pas mal d'avoir des clients. À l'intérieur, de beaux meubles, certes, mais les petites étiquettes de prix indiquent par leur couleur jaunie que leur mise en vente ne date pas d'hier. Malgré le gling-gling de la porte, personne ne vient à notre rencontre. Lombardine et moi commençons à jacter en italien, en vantant la qualité des meubles. Finalement, j'aperçois au fond du magasin, derrière un bureau Louis-Philippe, un personnage équivoque. La cinquantaine passée, les cheveux longs, le teint blafard poli à la cire d'abeille, un costard en lin blanc, un œil rouge à la boutonnière avec une lavalière et une moustache à la Dali. Ce mec nous voit de toute évidence, à moins qu'il ne soit aveugle, mais il ne daigne pas nous faire le moindre signe. C'est le genre, si t'as besoin de quelque chose, tu ne crois pas que je vais condescendre à lever mon cul, non mais... Bon, d'accord. On a des tronches à tourner dans un film de Max Pécasse, mais tout de même. Nous errons dans la boutique, laissant aller nos regards sur les meubles et objets présentés. Tout à coup, Lombardini tombe en arrêt devant un fauteuil Louis XVI. Elle tourne autour du meuble et finit par le soulever pour regarder le dessous. Le sireux se réveille. « On ne touche pas, madame !»« Ah, mi scusi, signore !» À ce moment, le bigophone retentit. Meyer, car c'est lui à n'en pas douter, décroche et prend des notes sur une feuille de papier. Les seuls mots qu'il prononce sont « oui » et « d'accord ». Il finit par se lever et se dirige vers Lombardini, toujours autour de son fauteuil comme une poule qui a trouvé un couteau. Avant que le meilleur soit sur nous, je glisse à ma collègue. « Mais qu'est-ce que vous foutez ?» Elle ne me répond pas et sourit au propriétaire qui s'incline devant elle cérémonieusement. « Ce fauteuil vous intéresse, signora ? » dit-il dans un italien parfait. Lombardini engage donc la conversation dans la langue de Dante. J'en ai déjà un, exactement comme celui-ci, et ce serait parfait si j'avais la paire. Eh bien alors, n'hésitez pas. C'est qu'il y a un petit problème, le mien est signé, mais le vôtre ne l'est pas. Sans se démonter, Meyer lui fait. La signature est quelquefois sous la garniture, c'est assez fréquent. Ah non, monsieur. Pardonnez-moi, mais Gourdin signait toujours ses fauteuils de façon bien visible. Ça y est, Lombardini est parti. Je me demande à quoi ne s'intéresse pas celle-là. Issue d'une vieille famille pétée de thunes, elle passe son temps au CRPJ pour ne pas s'ennuyer, mais ce n'est certes pas par souci d'argent. Pendant qu'ils commencent à jouer les marchands de tapis tous les deux, je me rapproche du bureau et jette un coup d'œil discret sur les notes que Meyer a prises pendant son coup de fil. Je les mémorise et, faisant mine de relever des prix, je les relève sur mon carnet. Ma mémoire n'étant pas extensible, je m'y reprends deux fois. « Écoutez, monsieur, dit finalement Lombardini dans un sourire, nous n'allons pas nous disputer. Donnez-moi votre carte et demandez à votre réparateur de trouver la signature de l'ébéniste. Si c'est bien un Gourdin, je vous le prendrai. Vous en avez ma parole. » Je fais signe à Lombardini d'avoir à se replier vers la sortie, doucettement. Encore, nous lui lançons un « Arrivederci », bien sonore. De retour dans la bagnole, je farfouille dans mon sac et en sors mon carnet. « Regardez, Lombardini, sur la dernière page du carnet, les notes qu'a prises Meyer. C'est bizarre, non ?» J'ai noté une série de nombres qui peuvent correspondre à beaucoup de choses. 48 points, 18 points, 37, tiret, 4 points, 59 points, tiret, 12/05. « On dirait des numéros de téléphone, » me dit Lombardini. « Peut-être. En tout cas, ça se passait de commentaires, puisqu'il n'a rien dit. » « Ça ne peut pas être le tiercé gagnant non plus. » « On va réfléchir à tête reposée. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette engate avec votre fauteuil ?»« Ben c'est vrai. J'en ai un identique, il me vient de famille, commissaire. Mais il m'a pris pour une américaine, le meilleur, pas pour une italienne. J'ai bien regardé puisque j'ai le même. Le sien n'est qu'une bonne copie, qu'il vend au prix de l'authentique. » « Alors vous ne le lui achèterez pas, si je comprends bien. Risque pas. Par contre, s'il a le front de me trouver une signature, je ne veux pas parier, mais on pourrait le poursuivre pour escroquerie. » « Ah ben voilà une idée qu'elle est bonne. Ça ferait une bonne entrée en matière, si nous ne trouvions rien d'autre. Je ne savais pas que vous étiez une experte. J'ai eu le nez creux en vous amenant. On a toujours intérêt à me fréquenter, commissaire. » Fait-elle avec un petit air en coin. De retour au bureau, je jette un coup d'œil sur la déposition de Carbona, heureusement conforme à ce que j'en attendais. Ce banc me lance un « Alors ?» interrogateur. « Je n'ai pas grand-chose à te dire. » Meyer est une espèce d'artiste anémique, à 100 lieues de l'image qu'on attendrait de ce genre de malfrat. Pour donner le change, il se pose là. Excellente couverture, et ça ne m'étonne pas de la part de Rougeau de travailler avec un type pareil. C'est un animal à sang-froid, et qui doit agir plutôt par goût du mal que par intérêt financier. Un mec machiavélique, quoi. Oui, on peut dire ça, je pense. Ça va bien avec son look. Pas être facile avec lui. Regarde les notes que j'ai réussi à subtiliser à Meyer. Et là-dessus, je lui explique rapidement l'épisode du fauteuil de Lombardini. Je montre alors la série de nombres que j'ai recopiés sous mon carnet. Ce banc regarde attentivement, perdu en conjecture. En tout cas, ça ne peut pas être des numéros de téléphone. Et pourquoi ? Parce que les numéros de téléphone, ce sont normalement des nombres à deux chiffres. 4, 59, 35, ce n'est pas possible. Ce serait 04, 59, 35. Et puis, de toute façon, ce ne serait pas de la région, c'est sûr. Je peux vérifier si vous l'aimez, j'en suis presque certain. 12/05, ça peut être une date, mais il manque l'année. Pas nécessaire, s'il s'agit de 1973, l'année en cours. Ouais. Il y a donc un groupe de nombres qui correspond à la date du 12 mai, ou qui va jusqu'au 12 mai. C'est plausible. Mais qu'est-ce que veulent dire ces nombres, fan de pièces, c'est ça la question. Nous en sommes là, tous les deux, empêtrés dans nos hypothèses, quand Berto déboule dans le bureau tenant une cassette de magnétophone. Ce sont les enregistrements faits ce matin sur la ligne de Meyer. Écoutez, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Se disant, Berto glisse la cassette dans l'appareil portatif qui trône toujours au-dessus de mon armoire et nous attendons. Bon, bien sûr, ça ne vient pas tout de suite. Je vais essayer de chercher pour gagner du temps. T'as intérêt puisqu'on ne va pas y passer la journée. On va entendre la conversation qu'il a eue quand j'étais dans le bureau. Au bout de quelques secondes, on entend un blabla rapide et aigu. Marche arrière et le visage de Berto s'éclaire. ça va être là, attention. Je vais avoir l'envers du tableau, en quelque sorte. Je vous donne mes anciens numéros de téléphone, 43 18 37 et 4 59 35. Et j'habitais au 114. Vous vous souvenez de moi? Oui. Ils étaient valables jusqu'au 12 mai. Mais je déménage bientôt, et je vous donnerai mes nouveaux numéros. Pour le numéro de la rue, je pense que ce sera le même. D'accord. Et voilà, c'est tout. Ça correspond bien, et pour cause, à ce que j'ai entendu et aux notes prises par Meyer. Je m'adresse à ce banc tout en mettant sous les yeux de Berthaud mon carnet. Tu vois, c'est bien des numéros de téléphone. Ce n'est pas possible. Je vous l'ai déjà dit, patron. Et joignant le geste à la parole, ce banc empoigne le bigophone et compose le premier numéro. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé, nazi une voix de femme. Alors, vous voyez, dit-il triomphant. Le silence est ma seule réponse. Tous trois, nous réfléchissons. Penché sur mon carnet, Berthaud dit finalement. Je ne comprends pas. Il dit qu'il déménage et pourtant il garde le même numéro dans la rue. Ou c'est la même rue, ou alors il habite toujours au même numéro, quelle que soit la ville et la rue. C'est un code, ça, patron. Ah, Berthaud, heureusement que t'es là, fais-je avec un sourire. Je ne vois pas, pour l'instant. C'est la première fois que je dois résoudre une énigme à la Sherlock Holmes, ou style Club des Cinq, pour faire plus jeune. Je n'ai pas l'air couillon, tiens. Je suis évidemment sûr que cet arcane a un rapport direct avec le trafic de coke, mais pour l'instant, je n'y entrave que dalle. Bon, Berthaud, dis-leur de continuer les écoutes, et dès que tu as quelque chose, préviens-moi, même si je suis chez moi. J'ai nettement l'impression que pour coincer cette bande de malfaisants, il va falloir avoir recours à des stratagèmes beaucoup plus finaux que la bonne vieille méthode filature interrogatoire Godillot. Planck et tout le Saint-Frusquin. J'ai bien une petite idée, mais c'est assez risqué. Côté positif, Meyer ne m'a pas reconnu ou ne me connaît pas, et il n'a passé aucun coup de fil signifiant qu'il était aux aguets ou qu'il soupçonnait quelque chose. Quelle heure est-il? 5 heures. Allez, je commence à en avoir marre de cette prise de tête. J'ai besoin de changer de décor pour pouvoir réfléchir plus sereinement. Je vais rentrer, me taper un petit bain à la couronne, et puis j'irai acheter des sardines. Tiens, ça me fait envie.